Le 1er décembre, le mémorandum du ministère coréen des Affaires étrangères, notre renforcement des forces nucléaires est un choix juste autodéfensif face aux extrêmes mesures de suppression des États-Unis contre la Corée, a été distribué comme dossier officiel S-2016-988 du Conseil de sécurité de l'ONU.